je noircis déjà. Putain, je suis à la bourre, faut que je me mine. Ah, j'espère qu'il est arrivé, Michael. Vingt-et-une heures six, Bob Six se pointe carré X, fixe d'un spliff. Ça y est, j'ai ma claque, j'ai ma gifle, ferme la caisse à clé. Tu sais, on sait jamais. Je rentre dans le studio, œil rouge, mes nerfs studieux. Check mes sources, serre la main aux inconnus de la sauce. Balance deux, trois vannes, tu vois, H.I.M. ou amoureuse. Assez blagué, assez parlé, si je suis là, c'est pour rapper. Allume le mic, s'te plaît, et va brancher le PC. Stylo, papier, tu perfonds, prêt à fumer. J'suis chaud qu'à réparer, prêt à cramer ce son de taré. Avec un feu barré, cette fois, j'peux pas foirer. Tu sais pas pourquoi, devine, y'a tous mes enfants. Y'a pas d'ambiance foireuse, mais celle-ci est laborieuse. Et je reste plus pertinent que ces collines sérieuses. J'claque, craque, matraque, le match en bac. Fignole le track avant qu'il débarque dans tes bacs. Ou le clair ou la flaque, si tu veux, il faut que tu raques. T'inquiète pas mon gars, car cette fois y'a pas d'arnaque. Ici y'a pas de chichi, non ici c'est pas Chirac. On gagne pas des briques, mais c'est pas pour ça qu'on braque. C'est comme ça que ça se passe, au studio KDX. Y'a du bon son qui tourne, y'a des putains de lyrics. On fait ça avec classe, et crois-moi y'a aucun risque. A chaque attaque on flaque, sur la scène ou bien sur disque. C'est comme ça que ça se passe, au studio KDX. Y'a du bon son qui tourne, y'a des putains de lyrics. On fait ça avec classe, et crois-moi y'a aucun risque. A chaque attaque on flaque, sur la scène ou bien sur disque. 21h sonne, vide de l'usine, il faut que je me sauve. Rejoins mon partenaire, mon sauce, qui ne pas à l'assaut. Mais avant tout, faut que je m'en source, m'arrêter, faire quelques courses. Mais bon, j'ai trop la dalle pour les manger chez McDonald's. Un bon kebab en sauce me remplira bien l'estomac. Et puis c'est comme il faut, nickel pour mon échauffement de voix. Là j'arrive sur les lieux, rassasié, mais fais de ma foi. Dans le local, j'ai deux trois gars, ouais. P6K est là, en train d'enchaîner JM Ossard. Fidèle est lui-même, balance une vedette en chaîne, t'en balance deux, il est gay. Allez, c'est Jacques cassé, va falloir penser, se mettre à bosser. Le temps est trop précieux, le créneau ben entamé. Puis on s'enferme dans le studio, tous les deux plus ou moins studieux. C'est pas non plus le palace, mais y'a ses places pour nos deux faces. Alors check, 1, 2, Bobby pose son 16. Et après le refrain, c'est WM qu'enchaîne. C'est comme ça que ça se passe, au studio KDX. Y'a du bon son qui tourne, y'a des putains de lyrics. On fait ça avec classe, et crois-moi y'a aucun risque. A chaque attaque on flaque, sur la scène ou bien sur disque. C'est comme ça que ça se passe, au studio KDX. Y'a du bon son qui tourne, y'a des putains de lyrics. On fait ça avec classe, et crois-moi y'a aucun risque. A chaque attaque on flaque, sur la scène ou bien sur disque. J'suis à l'en face du mac et pour moi faut pas que ça cut. Eh, ça a cuté là, Michael. Non, putain. Cette prise, elle sentait bien. Combien de tracks me faudra-t-il pour enregistrer mon script, mon trip sur KDX sans que je me craque. Alors pour la énième fois, je me pose. Inspiration, respiration, secours. Fais péter le son, il faut que je sente ta vibration. Un de tes, les voir, puis règle-moi tout ça. Faut en finir pour des bons, car mon couplet, c'est de la peubon. Ça y est, le texte est dans la boîte. Encore une fois, mec, ça déboîte. Le genre de honte, ce qui te ferait péter la rate. JM au mixage, on fera passer message. Et comme dit Pablo, KDX, c'est mon sillage. Comme des oufs dans un virage. Donc crois-moi, y'a pas de miracle. Même si c'est vrai qu'on devient sage en prenant de l'âge. On garde la niaque, on garde la rage. Dans la caisse ou dans le garage. Quoi qu'il en soit, notre hip-hop reste large. Ah putain, je l'ai fumé l'instrument, mon frère. Vas-y, fais écouter. C'est comme ça que ça se passe, au studio KDX. Y'a du bon son qui tourne, y'a des putains de lyrics. On fait ça avec classe, et crois-moi y'a aucun risque. A chaque attaque on flaque, sur la scène ou bien sur disque. C'est comme ça que ça se passe, au studio KDX. Y'a du bon son qui tourne, y'a des putains de lyrics. On fait ça avec classe, et crois-moi y'a aucun risque. A chaque attaque on flaque, sur la scène ou bien sur disque. C'est comme ça que ça se passe, au studio KDX. Y'a du bon son qui tourne, y'a des putains de lyrics. Ça avec classe, et crois-moi y'a aucun risque. A chaque attaque on flaque, sur la scène ou bien sur disque. C'est comme ça que ça se passe, au studio KDX. Y'a du bon son qui tourne, y'a des putains de lyrics. On fait ça avec classe, et crois-moi y'a aucun risque. A chaque attaque on flaque, sur la scène ou bien sur disque. Yeah, tradition, c'est classe.